Chapitre 143. La recommandation de serrer la main et de sourire aux gens que l'on rencontre, d'embrasser la main du vertueux, d'embrasser ses enfants par tendresse, de donner l'accolade à celui qui revient de voyage et de ne se courber devant personne. 885. Abul Khattab Qatada rapporte avoir demandé à Anas, « Les compagnons du messager d'Allah se serraient-ils la main ?»« Oui, répondit-il. » Al-Bukhari. 886. D'après Anas radiallahu anhu, lorsque les gens du Yémen sont arrivés à Médine, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les gens du Yémen vous sont venus. Sachez qu'ils sont les premiers à avoir institué la poignée de main en guise de salut. Abu Dawoud avec une chaîne authentique. 887. D'après Al-Bara, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'y a pas deux musulmans qui ne se rencontrent et ne se serrent la main sans que leur péché ne leur soit effacé avant qu'ils se séparent. Abu Daoud. 888. D'après Anas, radiallahu anhu, un homme interrogea le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, quand un homme rencontre son frère ou son ami, doit-il s'incliner devant lui? Non, répondit-il, alayhi salatu wassalam. Doit-il le prendre dans ses bras et l'embrasser? Demanda l'homme. Non, répondit-il. Doit-il alors lui serrer la main? Poursuivit l'homme. Oui, répondit-il, alayhi salatu wassalam. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 889. Selon Safwan ibn Asal, radiallahu anhu, un juif demanda à son compagnon: conduis-nous chez ce prophète. Une fois en sa présence, alayhi salatu wassalam, ils l'interrogèrent sur 9 signes clairs. Safwan poursuivit son récit jusqu'à dire: ils embrassèrent la main et le pied du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, puis dirent: nous témoignons que tu es un prophète. Rapporté notamment par At-Tirmidhi avec des chaînes authentiques. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. 890. Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte dans l'un de ses récits: nous nous sommes approchés du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, puis nous lui avons embrassé la main. Abu Daoud. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. 891. D'après Aisha, radiallahu anha, Zayd ibn Haritha arriva à Médine tandis que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se trouvait chez elle. Zayd frappa à la porte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour l'accueillir en laissant traîner ses vêtements. Il le prit alors dans ses bras et l'embrassa. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». Note: le hadith est faible selon certains savants. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. 892. Abu Dhar, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: ne méprise aucune bonne action, pas même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Muslim. 893. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, embrassa son petit-fils Al-Hassan, le fils de Ali, radiallahu anhuma, en présence d'Al-Aqra' ibn Habis, qui voyant cela dit: j'ai 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le regarda et lui dit: celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres sera privé de la miséricorde d'Allah. Al-Bukhari et Muslim.